ça. Voilà un calculateur dans le fond de ton cartable. En plus, il est aimable quand tu vas péter un câble. Tu le poses sur ta table. J'y arrive pas, calculateur. C'est beaucoup trop dur. Réfléchis, mon petit. 2x plus 3 égale 4. Heureusement que calculateur est là. Ça fait un demi. Merci, calculateur. Le révolte plus fort. De rien, mon petit. Il y a le fond de l'espace. Sa calculette fracasse. Oui, c'est bien lui le plus fort. Bravo, calculateur. Tous les problèmes dépassent. Les exos, il les tabasse. Mais il aime quand tu l'embrasses. C'est le copain des Bordas. Tu l'appelles, il arrive. Si t'es à la dérive, te délivre de ton sort. Et voilà, calculateur.